Salut, je m'appelle Julia. Et toi ? Moi, c'est Grégory. Tu connais les autres étudiants ? Oui, la blonde à côté de la porte. Elle est très sympa. Et les garçons qui sont avec elle aussi. Hé, regarde, c'est la prof ? Oui, elle est québécoise. Ses cours sont super. Bonjour, je suis Madame Évrard, votre professeure.